L'exhaleur. J'ai rien d'un omniscient, juste un homme qui aime les siens, cherchant leur bonheur comme un ange qui donne le sein. Un jour viendra, j'y arriverai, personne ne sait qui sera là pour payer l'addition de mon décès. Tellement déçu, j'ai balayé le verbe avoir de mon vocabulaire pour dépoussiérer le savoir. Chacun sa voix, moi c'est quand j'écris que ça va. Et aux dernières nouvelles, on m'a répondu nique sa race. Mais bordel con, ne comparez pas ma vie à vos rêves. Mort et enterré, ma richesse n'a rien de matériel. Je remercie le ciel, ma merci maternelle. Ouais j'ai la foi, c'est naturel d'aimer la terre mère. Moi j'ai compris que seul le temps est éternel. Ma beauté intérieure, ma bonté était réelle. Donc mon message est de mèche avec ma sagesse. Et mec sache que pour te le dire, ça me demande qu'un geste. Hein, c'est pour les femmes de ma vie. La petite Clara, mon ange Marie et Stéphanie. Pour mes amis, pour Maxime et Axanti. On n'oubliera rien si un jour on doit s'en tirer. On n'oubliera rien. Mes jours sont des écrits et chacun est une page du livre. Et ouais, depuis petit, je dois subir tous les braquages du vice. J'ai 22 ans, je te dirai pas que je suis au quart de ma vie. L'amour ne s'annonce pas, toujours surpris quand le rancard arrive. La thérapie de toute espèce, le rap ma thérapie. Et tant de passage à vide, des choses à dire, mais j'ai trop peu appris. À vide, de réussir la rage de vivre m'habite. Comment semer le bonheur ayant le cœur aride. Face aux soucis, tu réalises que t'es tout seul pour réagir. Les esprits sont pauvres et j'en entends beaucoup parler d'argent. Rêver de cascade de fric, se réveiller de un barrage de flics. Et oui c'est pas mon trip, moi y'a que ma foi qui me motive. C'est mon moteur pour avancer, je n'ai qu'un seul motif. Toujours faire honneur à ceux qui me servent de locomotive. Écoute mes titres, du véridique dans ce monde nocif. Je fais mon possible, toujours tout pour voir tomber nos cibles.